13:38, activation orale, dialogue entre Marie-Laure et Mireille. Vous allez entendre un dialogue entre Marie-Laure et Mireille. Écoutez bien, vous allez apprendre les répliques de Mireille. Mireille, quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis en panne. Tu es en panne? Oui, mon bateau n'avance plus. Il n'y a plus de vent, il est au milieu du bassin, il ne revient pas. Tiens. Bon, écoute, tu m'embêtes, déroule-toi. Maintenant, répétez. Mireille, quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis en panne. Tu es en panne? Oui, mon bateau n'avance plus. Il n'y a plus de vent, il est au milieu du bassin, il ne revient pas. Tiens. Bon, écoute, tu m'embêtes, déroule-toi. Et maintenant, c'est à vous. Vous êtes Mireille. Mireille! Je suis en panne. Oui, mon bateau n'avance plus. Il n'y a plus de vent, il est au milieu du bassin, il ne revient pas. Tiens!